Chapitre 5e, coup de main. La mer était dure et plus contraire à la marche du léger brick qu'à celle de la vaillante frégate qui le poursuivait. Mais Don Graviel ne parut pas inquiet. Il changea de route pour se rapprocher des brisants qui bordent au nord l'île de Cuba entre la Havane et le cap San Antonio. Les bas-fonds sur lesquels il naviguait avec une incroyable confiance lui servaient de rempart contre la frégate dont l'équipage avait été remis au complet. Bien entendu, le capitaine Bertuzzi et ses négriers avait obtenu du gouverneur l'ordre de monter à son bord. Le lendemain, au point du jour, le cap San Antonio était doublé. La Santa Fe apparaissait encore à l'horizon. Don Graviel essaya de plusieurs allures et vit qu'en serrant le vent, il avait un avantage marqué sur son chasseur. Mais au moment où il prenait cette direction, qui le menait à l'île des Pins, un grand navire se dressa sur l'avant tout à coup. Les corsaires l'examinaient attentivement. « Frégate anglaise !» dit en toussant le lieutenant Fernando. « Que diable ! » répondit Don Graviel. « Nous sommes en force. »« En force ?» murmura le garde-marine. « Oui, tu vas voir, ici pavillon anglais, et gouvernons droit. » Sans dévier de sa route, et seulement en ralentissant sa course, le brick goélette naviguait entre les deux frégates et ménageait son élan de manière à les mettre en vue l'une de l'autre, ce qui ne tarda point. Les Anglais furent persuadés que le brick chassé par un navire espagnol était un compatriote. Don Graviel compléta cette erreur en virant de bord, comme s'il eût voulu les seconder au feu. Il fit voile aussi vers la Santa Fe. Celle-ci prit la fuite, mais trop tard. À la hauteur du cap San Antonio, l'Anglais engagea l'action. Doña Juana, respectée à bord comme si elle eût été la femme du capitaine, se tenait à côté de Don Graviel. « Pour l'amour de Dieu, capitaine, » dit maître Brimbolio en s'avançant, « pourriez-vous m'apprendre ce que nous fabriquons ici? Laissons-les se achalerez et gagnons le large. » « Qui t'a demandé ton avis, maître Hableur ?» répondit sèchement Graviel. « Tu prophétises de malheur depuis le commencement. Je suis las de tes observations. » Prenant alors sa voix de commandant, « Branle-bas général de combat » ajouta-t-il. Fernando, sans demander d'explication, se rendit à la pièce à pivot. Force fut au contre-maître de distribuer des armes et de la poudre à tous les corsaires. « Vous voyez, tendre idole de mon cœur, que je n'hésite point, » dit alors Don Graviel. Quand le combat soit bien en train, je vais amener le yacht britannique et arborer la noble bannière de Castille. Alors, vous descendrez, je vous prie. « Oh non !» répliqua la jeune fille d'une voix émue. « Permettez-moi de rester auprès de vous. » Après un moment de réflexion, Don Graviel y consentit. « Eh bien, mon ange, pardonnez-vous enfin au pauvre Alférez de vous avoir enlevé à l'abordage, ou bien auriez-vous oublié ce peut-être du bal ?» Doña Juana, devenue écarlate, ne put s'empêcher de sourire. Les deux frégates étaient maintenant bord à bord, et le brick goélette derrière elle à petite portée de fusil. « Canonnier !» commanda le capitaine. « Ne nous trompons pas, c'est sur l'anglais qu'il faut pointer. Fernando, je te recommande son gouvernail. Vive l'Espagne ! Amenez le pavillon anglais ! Hissez nos couleurs ! Feu !» La bordée à boulets et à mitraille du Capricoso balaya de long en long les gaillards et la batterie de la frégate anglaise, dont le gouvernail volait en éclats par l'effet de la pièce à pivot. Quand la fumée se dissipa, Don Graviel vit son ancien commandant de la Santa Fe lui faire de la main un geste de remerciement. Mais à côté du vieil officier se tenait le capitaine Bertuzzi, furieux d'être si près de son cher brick sans pouvoir s'en emparer. Le forban grinçait des dents. Il était violet de colère. Enfin, transporté hors de lui, sans attendre davantage, il mit Don Graviel en joue avec un monstrueux tromblon mauresque. Doña Juana s'en aperçut, poussa un cri déchirant et s'évanouit. Le jeune capitaine vole d'un bond au secours de sa bien-aimée Juanita. Ce mouvement l'a sauvé, car au même instant, la charge du tromblon se plante dans la muraille du brick à la place qu'il vient de quitter. La jeune fille est transportée dans la cabine. Alors, pour éviter un nouveau salut du même genre, Don Graviel fait le tour de la frégate anglaise en continuant en feu nourri, va se poster dans sa joue du côté opposé à la frégate espagnole et canonne si bien que les ennemis exaspérés braquent enfin sur lui une partie de leurs pièces. Le Capricoso était trop faible d'échantillon pour supporter la riposte. Il se fait un abri de la Santa Fe, mais auparavant, la pièce à pivot accomplit un dernier exploit. Elle achève de couper le beaupré déjà mutilé de l'ennemi. La chute de cette clé de la mâture entraîna celle des autres mâts. L'incendie se déclara presque aussitôt dans les voiles déchirées. La Santa Fe poussa au large. Le brick goélette prit chasse devant elle. « Eh bien ? demanda Fernando. « À quoi servent, s'il te plaît, tous ces beaux faits d'armes que je donnerais volontiers pour un goujon ? Selon moi, nous venons de brûler notre poudre au goéland. »« Comment ? » s'écria Graviel enthousiasmé. « Regarde, cette frégate embrasée. Sans nous, peut-être, la Santa Fe succombait. »« Possible, mais elle ne nous chasserait plus, » murmura le garde-marine. Don Graviel haussa les épaules. « Tu vois bien qu'elle ne saurait nous rejoindre. » En effet, la Santa Fe avait perdu une partie de sa mâture. Bientôt, elle mit en panne pour se réparer plus à son aise et pour envoyer sauver le petit nombre d'Anglais qui s'étaient jetés à la mer afin d'échapper à l'incendie. Au coucher du soleil, aucune voile n'était en vue. Le Capricoso voguait sans crainte dans le canal rocailleux qui sépare Cuba de l'île des Pins. Maître Brimbolio était de quart. Fernando fumait un cigare en pêchant à la ligne. Don Graviel, assis à côté de Juana sur la riche ottomane, lui parlait avec feu, non plus sur le ton badin, mais d'un style plus discret et plus relevé. Depuis l'évanouissement de la jeune fille, il n'affectait plus des airs de capitan. Il tournait au langoureux. À d'autres d'expliquer ce phénomène. « Juanita, de grâce, disait-il, avouez que ce n'était pas seulement un vulgaire mouvement de crainte. Vous n'étiez pas effrayée par le combat. Vous étiez calme et sereine au milieu du tonnerre de l'artillerie des trois navires. Vous ne faiblissiez pas. Je vous contemplais avec admiration. Dites, ma Juana, ma divine, dites que vous avez tremblé pour les jours de celui qui n'implore de vous qu'un mot d'espoir, un seul. Oh, mon ange, aux longs cheveux noirs. » Longtemps le jeune capitaine supplia. Longtemps la Castillane se défendit avec fermeté. Puis elle fut moins sévère. Puis elle ne répliqua que d'un ton timide. Enfin, elle consentit au plus doux des aveux. « Tu m'aimes !» s'écria Don Graviel triomphant. « Tu m'aimes, fleur de mon âme. Je l'ai donc obtenue, cette parole, qui fera le bonheur de ma vie ?» L'alférez avait pris avec transport la main de la jeune fille. Attiré par un charme invincible, il tenta de lui donner un premier baiser d'amour. « Non, non !» reprit vivement Donna Juana en le repoussant. « Vous manquez à votre promesse. Arrêtez !» J'ai permis à mon trop hardi protecteur de prendre cette main que je lui retire. C'en était trop, peut-être. « Grâce, señorita !» dit Graviel, confus et tremblant à son tour. « Pardonnez à mon humble repentir. Ne me bannissez pas. Soyez toujours mon ami. Soyez ma fiancée devant Dieu. » Juana garda le silence. Son cœur bondissait. Son extrême émotion se trahissait par tous ses mouvements. Elle s'était réfugiée auprès de la barre du gouvernail à l'arrière de la chambre. Et là, pâle, défaite, doutant d'elle-même, elle finit par rester immobile, les yeux fixes, les cheveux épars, les mains croisées sur sa poitrine. Graviel n'osait plus dire une parole. Sa vie semblait suspendue aux lèvres de Doña Juana, qui, la première, lui tendit la main et dit solennellement « Eh bien oui, j'y consens. Je serai votre fiancée, entendez-vous » Don Graviel, incliné devant la jeune fille, fondit en larmes, elle les essuie avec délices, confiante désormais, tranquille sur le sort qui lui était réservé. Cependant, la hardiesse et la timidité successives de l'alférez avaient fait place à une impatience croissante. « Sur mon âme, Juanita, dit-il, je hâterai cette union qui seule est l'objet de tous mes vœux. » Juana rougit encore, mais l'accéda du regard au brûlant désir de son fiancé. Don Graviel se précipita sur le pont. « Droit à terre, Brimbolio, gouverné sur la première crique habitée de l'île des Pins. » Cet ordre fut exécuté. Avant le jour, le Capricoso était à l'ancre, devant une bourgade populeuse bien connue des caboteurs du pays. Fernando fut envoyé en Cormée avec mission de ramener un prêtre à bord, si bien que le soleil levant éclaira la cérémonie du mariage de Don Graviel Badajoz et de Juana de las Hermadoras. Un révérend père franciscain, encore tout effrayé d'avoir été emporté de vive force à bord du Capricoso, leur donna la bénédiction nuptiale sans la moindre difficulté. Le coffre-fort du capitaine Bertuzzi servit fort heureusement à couvrir les frais de tout genre, à monter la garde-robe de Doña Juana et à se procurer des vivres de campagne. Vers midi, le brick goélette appareilla. « Jusqu'à présent, capitaine, nous n'avons sué que pour vous, » disait en jurant maître Brimbolio. « L'équipage commence à murmurer. Il est temps, voyez-vous, de leur donner de la pâture à ces agneaux et à moi aussi. Voilà. »« Vous en aurez, » répondit Don Graviel, trop heureux pour rappeler à l'ordre le farouche contre-maître. Fernando s'accoutumait à la présence de Doña Juana. Il avait des cigares à discrétion, faisaient bonne chère à la table du capitaine et commençaient à croire que tout irait bien.